disponible maintenant partout. Édition Vinyle Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octopus. Ils ont partagé le monde, plus rien n'est métal. Véritable étendard d'une jeunesse africaine, Tiken Jaffa Coli sera de passage à l'Imperial Bell le 20 juin prochain. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Tiken Jaffa Coli, authentique artiste engagé. Billets en vente dès maintenant au evenco.ca et à la billetterie de l'Impérial. Une présentation de Evenco. Bonsoir les amis, vous êtes à CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita qui sera là pour les deux prochaines heures en compagnie de Bruno à la mise en onde, France Carrie au commentaire, qui fait acte de présence, et Jean-François avec des commentaires, sélection musicale et compagnie. Bonsoir tout le monde, commencez. Bonsoir. Eh bien, faut qu'on vous aime, les auditeurs, parce qu'on vient de lâcher un beau party. Ben oui. Avec toute une belle gang de progueux. Ben oui, les progueux fêtent Noël, puis je leur souhaite une bonne fin de soirée. Ben oui, et puis la soirée est encore jeune, comme on dit. Il est juste 10 heures. Et ben oui, c'est bien agréable, mais le sens du devoir nous a pris et nous sommes là. Comme un seul homme et une seule femme, si on peut dire. Oui, hein? Et bien, ce soir, on a toutes sortes de choses. Là. On a fait des découvertes. Il y a des choses intéressantes. Entre autres, un groupe anglais qui nous a été fourni par notre ami Michel Duncan du Nouveau-Brunswick, qu'on voit au festival. D'ailleurs, oui. Il en sera question du festival. Toujours. Ben oui, il y aura du Gösta Berling Saga et plein d'autres choses aussi. Bon, donc plein de bonne musique pour vous faire passer un beau 2 heures tout de suite après les illusions auditives et juste avant l'autoroute. Donc pour l'instant, on commence avec le groupe Antimatter, qui est un groupe anglais. Vous allez voir là-dedans que, étant donné que ça a été formé à Liverpool en 97 par l'ex-bassiste d'Anathema, Duncan Patterson, et Mick Moss, qui est toujours présent, on sent des petites atmosphères là, de Porcupine Tree, Catatonia et évidemment Anathema. Le bassiste est parti, mais on conserve quand même cette belle texture-là. Là. Ça va être un bel extrait qu'on va entendre d'un disque qui vient de sortir qui s'appelle Black Market Enlightenment. On va entendre la pièce This Is Not Utopia et ensuite il y aura du Gösta Berling Saga et Strange Fish. Watch the cruel display.

Somewhere in our hearts we keep our home. From days gone by where we could feel. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Jean-François Artaud et Luc Ferland analysent et échangent sur de grands dossiers actuels de la politique municipale, provinciale et fédérale. Accès pouvoir, le jeudi, 9h. Les soirées Pitchakucha sont de retour à Québec le 5 décembre à 18h au Musée national des beaux-arts du Québec. Pitchakou quoi? Pitchakucha, des soirées bouillonnantes de culture avec 12 invités qui relèvent le défi de vous présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes, soit 20 images présentées et 20 secondes par image. À Pitchakucha, on parle de musique, de danse, de théâtre, de science, de littérature, d'architecture, de cuisine et plus encore. Un concentré de découverte pour 5$ seulement. Combien? 5$ seulement! Faut pas rater ça! Billets en vente sur lepointdevente.com et programme complet sur Facebook. Pitchakucha Québec. Et c'était le groupe anglais Strange Fish qui a terminé ce premier bloc. Ça nous vient de New Species volume 34 qui accompagne le magazine Progressis numéro 94. Et il y a plein de belles choses là-dessus. On va en entendre d'autres extraits, soit du disque sampler ou de celui-là, mais aussi du site internet de Progressis. Je suis allé chercher des choses là-dessus qu'on va entendre dans le courant de l'émission. Et Strange Fish, ben ça existe depuis 1989, mais ils ont sorti un premier album seulement en 2003. Donc ils ont pris le temps de bien mûrir leur musique. Ils sont supportés par Classic Rock Society. Et ben le chanteur, lui, qui a une très bonne voix, là, il a déjà été primé pour ça. Donc c'est le troisième disque et c'est conseillé aux amateurs de Genesis. Et juste avant, ben c'était des sonorités un petit peu différentes de Gösta Berling Saga, comme faisait remarquer Bruno. Ça sonne un petit peu différemment, mais la pièce que Michel avait mis il y a trois semaines lors de sa dernière émission, ben ça sonnait un petit peu plus comme ce qu'on est habitué d'entendre. Et ce nouveau disque s'appelle ETEX. J'imagine qu'en suédois, ça veut dire quelque chose, mais on a entendu la pièce Fundamond. Et on avait débuté avec Antimatter, qui, lui, est un groupe multinational, mais il a été fondé à Liverpool en 1997 par l'ex-bassiste d'Anathema, comme j'ai dit tantôt. Et c'est un très bon disque qui vient de sortir. Ça sonne toujours aussi bien que ça. Et pour le deuxième bloc, ben on va entendre un extrait de l'album de Progressis, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est IS Project. Ah oui, on va les entendre trois fois au lieu d'une au festival Terre Incognita, parce qu'ils vont rouvrir chaque journée. En formule acoustique, oui. Et d'ailleurs, il en parle, il y a une entrevue dans le numéro 94 de Progressist avec le chanteur et multi-instrumentiste là, de IS Project. Et il raconte qu'il y a cette formule-là là, en duo acoustique et qu'ils sont bien contents de faire ça. Et on aura plus tard du Frequency Drift, groupe allemand, avec Letters to Maro. Et on terminera le bloc avec Wooden Ship, qui est un peu spécial. On pourra y revenir. On peut peut-être parler un petit peu de quelques concerts? Oui, bien, du festival qui va avoir lieu le 17, 18 et 19 mai. Le 17 mai, c'est comment il prononce les comme il faut. Ace Project, moi je ne le prononce pas comme il faut. Ben, disons Ace Project parce que c'est les initiales. Bon. Fait qu'il va y avoir Oak, Beyond Riss, le samedi Basta, Ease et Airbag, le dimanche Inner Space, Fido et Finistère. Encore un beau festival cette année. Encore un beau festival. Ensuite, le 16 décembre à l'Antibar et Spectacle, c'est le Noël Prog pour leur 4e édition. Il va y avoir Univers FX, Contemplator et Elward. Le 4 et 5 janvier au Grand Théâtre, c'est The Musical Box. Le 2 février à Salle Jean-Paul Dardy, hommage à Roche et Marion. Le 18 février, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep de Limoilou, Neil Morse Band. Le 23 février, au Cégep Garneau, Marion Script Revisited. On va faire la deuxième partie tout à l'heure. Oui, ben moi, je vais vous parler un petit peu du numéro 94 de Progressiste. Moi, j'ai eu bien du fun à lire. Il y a une chronique sur Allsworth. Moi, je trouve ça le fun. Ce magazine-là va chercher des choses qui ne sont pas nécessairement dans le prog standard. Et c'est même pas prog beaucoup non plus. Mais j'ai trouvé son histoire très intéressante. Et dans les Collectors, on parle de Twelfth Night qu'on avait vu au Nearfest Apocalypse en 2012. Et là, il y a un album classique, deux, c'est Fact and Fiction. Bruno connaît ça, j'en ai déjà choisi avec lui. Ben, j'ai réécouté ça, ce disque-là. Là, ce qu'on parle, c'est une version 3 disques, là, parce qu'il y a aussi des membres de Galahad, là, dans ce groupe-là. Il y a Dean Baker, puis il y avait Roy Keyworth aussi, qu'on avait rencontré au Nearfest. Et ben c'est disons que ça m'a donné le goût de me replonger là-dedans. Puis j'ai jamais embarqué tellement dans Twelfth Night, là, mais disons qu'à la lumière de cette lecture-là, ben ça me fait comprendre un petit peu plus. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée sur ce disque-là aussi, qui vient avec le magazine, c'est Francis Descamps, que Marc a fait jouer il y a 2 semaines. C'est vraiment très bon. L'album s'appelle The Gift et on chronique ce disque-là. Chronique aussi Lunatic Soul qu'on entendra un peu plus tard. Très bon disque. Et aussi Panoportif. Et ça aussi, on en entendra plus tard. Donc, on y va en musique pour l'instant avec IS Project, un extrait de The Archinote. Thank you. We'll be right back. straight without a ghost street into darkness. Everything else in my mind, my whispering is about light to silence, silence to light. I wear a mask. We have no face. I am deprived. We have no name. Any times we'll erase my answer word. Camera, they could be glowing in the display, they could be crawling on the grid. horses, they could be flowing in the circuits, they could be electricity. Pensant, nous font chier. C'est pas compliqué. Hoppa! À ceux qui aiment les mots, la chanson à texte, la poésie, l'intelligence, la dérision. Des mots simples, des chapelets d'images, des rimes en rafale. Jamil nous éveille et nous attendrit pour nous faire rire. Jamil, le 21 décembre à la salle Octave Crémazy du Grand Théâtre. Dans le fond, tout le monde nous fait chier, nous fait chier, nous fait chier. En vente sur Billetek. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des pensées élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Et on a terminé sur des notes, je dirais peut-être un peu psychédéliques, hein, avec Wooden Ship. Mais ils l'écrivent drôlement, eux autres. Il y a un J avant le IP. Donc Wooden Ships. Et ben, c'est un couple qui a débuté en 2003 à San Francisco, mais eux autres avaient une drôle d'idée. Le leader, Eric Ripley Johnson, le guitariste, lui, son idée, c'était de former un groupe de non-musiciens pour créer quelque chose d'innovateur et de frais. Ben, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Là. Mm. Fait que les gens se sont tannés de ça, puis ils ont recruté d'autres musiciens. L'album, en fait, ils en ont 5 depuis 2007, et celui-là s'appelle V. Tout simplement. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Eclipse. C'était précédé d'un groupe allemand qu'on connaît assez bien, Frequency Drift, avec une chanteuse à une belle voix. Ça t'a plu? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle Letters to Maro. Et ça fait quand même quelques semaines que c'est paru. La pièce s'appelle Electricity et on trouve ça sur New Species volume 34 qui est fourni avec le magazine Progressist 94. On avait débuté avec IS Project et des Arkinautes. La pièce Between the Light and the Stone, et ça nous fait frétiller un peu parce qu'on aura l'occasion de les entendre trois fois plutôt qu'une en ouverture. Ça sera pas ça va être des prestations courtes là. Les habitués du festival savent ce que c'est. Là. C'est à peu près 20-25 minutes au début de chacune des soirées. Et d'habitude, c'est très apprécié. En tout cas, l'an dernier, plutôt en 2018, cette année, il y avait Laura Mead qui était venue nous présenter son nouveau disque. En fait, elle était venue le lancer à Québec. Et ça a été très apprécié. Il y a eu des ovations. Là. Je pense que tout le monde aimait ça. Et ce disque-là s'est mérité aussi des éloges un peu partout là, dans les critiques qu'on a vues, soit dans Big Bang, Progressist et compagnie. Ben, c'est juste des critiques positives. Et on est bien content pour elle parce que c'est une femme qui est très talentueuse, une très bonne musicienne, qui sait bien s'accompagner aussi. Oui. Et on va poursuivre avec un groupe québécois. Et moi, je trouve ça le fun parce que ce groupe-là s'appelle Fudge avec deux U. Et je vois des articles là, depuis deux semaines sur ce groupe-là. Leur album s'appelle Les Matricides. Et l'idée du groupe, c'est que ça se situe entre le vieux Pink Floyd psychédélique de l'époque Syd Barrett et la puissance de Nirvana, c'est ce qu'on dit. Le leader s'appelle David Bugeaud et il s'est mis à triper sur le vieux rock des années 70 et 60, Beatles, beaucoup de prog et du Black Sabbath aussi, et ça s'entend dans la musique du groupe. Ils ont formé un groupe et ils ont décidé de donner des sonorités plus hard, plus stoner et dark aussi parce que c'est assez sombre. Et ben moi, j'ai été très, très surpris par ce disque-là. Et j'ai été encore plus surpris de voir des articles dans le Journal de Québec puis dans Le Soleil. Mais c'est le fun qu'un jeune groupe soit encouragé comme ça là, par la presse à grand tirage. Un peu de publicité fait du bien. Ben oui, mais si ça peut aider des gens à découvrir. Mais nous, on va le faire ce soir. Là. On va entendre une pièce qui s'appelle « Attends ». Et ce sera suivi de l'allemand Fotch, que Michel avait fait jouer, je pense que c'est lors de sa dernière émission. Ce sera suivi de Lunatic Soul et de Pineapple Thief. Thank you.

test the water. You didn't test the water. And now you're flailing as you realize you'll never make it. You didn't test the water. No, you didn't test the water. And now you realize it's gonna take you far. Je suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. La Korrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'École bleue, les Esties, l'Armée rouge et le Géant ont mille histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à La Korrigan. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. On a terminé ce troisième bloc avec deux valeurs sûres, c'est-à-dire Palin Portif, qui nous a déjà visité au Festival Terra Incognita. Et juste avant, c'est du dernier album, Dissolution, on a entendu White Mist, juste avant Lunatic Soul Under Fragment Sky, c'était la pièce titre. Et Foch, l'Allemand, le mari anti-Foch en fait, anti-Jorgen Foch, qu'on a connu avec Inès, qui est son épouse. Qui avait fait quatre disques dans les années entre 1994 et 2002. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté. C'est un bon néo-progressif, genre IQ, avec des bons chanteurs. Il y avait le chanteur d'Anyone's Daughter, Harald Barrett, qui chantait régulièrement, et Chico Gosso. Oui. C'était bon, ça. Et ben, je ne sais pas pourquoi ça a arrêté, mais disons. Lui, Anti Foch, ben, il a trois CD de 2012 à 2018. Et celui-là, il s'appelle Station Songs. On a entendu The Invisible Man. Et c'est toujours sur la compilation Classic Rock Society de. Oui? Franco Grosso, c'est Asgard, puis à Florence. Oui, exactement. Mm-hmm. Mm. Et on avait débuté avec les Montréalais de Fudge et leur musique décapante. c'est assez décapant, hein, je pense. Oui. C'est plutôt bon. Ça s'appelle Les Matricides. Mm. On a entendu la pièce Attends. Et si vous avez aimé ça, je vous conseille l'album parce que c'est pas mal représentatif. La finale, moi, me faisait penser à Vandergraaf Generator. Et il y a beaucoup de références à toutes sortes de choses. C'est une belle surprise pour moi. Je suis content d'avoir entendu ça, d'avoir eu l'occasion de connaître ça. Et pour ce quatrième bloc, on va parler des video game music. Et c'est Steven Wilson qui se lance là-dedans. Steven Wilson, il y a beaucoup de temps à perdre. Hein? Ah, ben, c'est pas sûr. À perdre, là, mais. À force de remixer des disques, il y a encore du temps à faire. À voir. Ben oui, sûr. Fait que là, il se trouvait un petit peu idle, là, fait que là, il a décidé de se lancer là-dedans. Puis ça s'appelle Last Day of June, donc c'est de la musique de jeux vidéo. Et il y a deux pages là-dessus dans Progressiste numéro 94 où on parle spécifiquement de ce disque-là, mais du genre en particulier. C'est un article qui est très intéressant. On se mettra pas à acheter des jeux vidéo, par exemple? Ben, il faudrait quasiment, si tu veux avoir la trame complète de ce jeu, on peut l'avoir aussi en téléchargement, mais ça n'existe pas en CD. Ce serait surprenant que ça existe aussi. Bon, toi, tu veux parler de choses. Ah oui, vas-y. Oui, on va faire la suite. Vas-y, mec. On est rendu au mois de mars. The Flower King à la salle Jean-Paul Tardy, le 1er mars. Le 30 mars, Arena, au même endroit. Le 6 avril, au Capitole, c'est Dream Theater. C'est annoncé cette semaine, le 14 mai, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep de Limoilou, Riverside. Et le 15 septembre, M. Hackett qui revient au Grand Théâtre de Québec. Ben oui, c'est toujours gagnant. Je pense que les billets sont en vente. Oh oui. Bon, puis je fais un bout. Bon, on y va en musique avec Steven Wilson. Et c'est pas toute la nouvelle musique. Vous allez reconnaître cette pièce-là. Thank you. So said God, let us make man in our image, to rule the air and sea, over all the earth and all its creatures, moving on the ground. The world is cruel, there is famine and disease, and the elements too. Are at their mercy unless we bring Mother Nature to her knees. Why deny what we are on the brink of a solution, a logical conclusion? And brightest, all consequence be damned, along with their disciples. They manipulate the tree of life to keep up with demand. Why deny what we are on the brink of a solution, a logical conclusion? Thank you.

C'était Erlyn des Bretons de Seven Eyes qui font toujours bien. Et ça vient du site internet de Progressiste. Il y a, sur la compile, il y a un extrait, mais qui est beaucoup plus long, de 15 minutes. Et j'aimais mieux qu'on y allait avec une version plus courte. Et j'aime bien cette pièce-là. Et juste avant, c'était Third Degree, le groupe américain qu'on avait vu il y a quelques années. Ben, en fait, nous autres, on ne l'a pas vu. Ben, nous autres, on ne l'a pas vu, c'est ça. Mais ils sont passés au festival Terra Incognita et c'est un nouveau disque qui s'appelle One and Zero, mais cette fois-là, c'est volume zéro. C'est parce qu'il avait mis ses claviers. Les claviers étaient haut, puis il avait mis. Il était central, puis devant la scène. Oui, puis comme un drap. Il y avait un drap en plus. Un drap, fait qu'on ne voyait pas. Ben oui, fait qu'ils sont passés au festival, mais on les a pas vus. La pièce de Third Degree, c'était Logical Conclusion. C'est un nouveau disque qui vient de paraître. Et juste avant, ben, Steven Wilson, Last Day of June, et que vous avez reconnu que c'était une pièce réarrangée là, de son répertoire. Eh bien, c'est déjà presque tout pour nous. L'autoroute s'en vient avec... c'est Stéphane. Ben oui, il est juste là, devant nous autres, dans la rue. Là. Et il s'est préparé. On termine sur une note assez psychédélique avec un groupe japonais qui s'appelle Acid Mother Temple and the Melting Paraiso UFO. Répète-moi ça. C'est plus court que Gérard. Effectivement. Leur album s'appelle Electric Dream Ecstasy. Ça aussi, ça vient du site de Progressiste. En fait, on dit que c'est impossible de préciser le nombre de disques parce que ils ont commencé en 96, mais le leader, Makoto, a enregistré depuis 1978. Mais il y a tellement de choses, des lives, des compilations et autres rééditions que personne connaît le répertoire au complet. Et c'est très 70s. Donc, on y va en musique avec Acid Mother Temple, et je vous épargne le reste. From Planet Orb with Love, Part 1. Et bien, on vous souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute pour l'autoroute. Bonne semaine.